De Nathanaël Flammant. D'Aumale le voyant. Transcription d'un moment de parole vivante à Charleville-Mézières le 12 octobre 2004. D'Aumale le voyant, de la lettre du voyant d'Arthur Rimbaud au poète blanc chez René d'Aumale. La poésie ne sera jamais écrite, ou elle ne sera toujours écrite que sur du sable, par la main du vent, dans l'œil du feu. Rappelez ceci, la poésie n'est qu'en sa source, le poème est sa trace mortelle, c'est déjà venir au lieu de la parole et du chemin d'homme, au centre de la voix et de la voix, de René d'Aumale. D'Aumale, le voyant. J'aurais rêvé, la poésie aurait rêvé. La poésie rêve-t-elle? Si oui, en quel sens? Par quel sang? Il y a le sang de certains rêves plus qu'humains, sang à blanc du cri des métamorphoses qui déclôt la vision qui met en mouvement la parole qui l'incarne ou tend à l'incarner, l'advenu de l'avenir dans le maintenant qui le devient. J'aurais aimé, puisque d'Aumale le voyant ne constitue pas à proprement parler un titre, mais plutôt le signe de notre rencontre de ce soir, un signe qui annonce, qui rassemble, qui nous rassemble, j'aurais aimé qu'il n'y eût pas de signe, rien, qui annonçât quoi que ce soit, pas même à un certain quelqu'un. Une expérience, pure et simple. Mais, d'Aumale le voyant, ce n'est pas un simple clin d'œil, une simple accolade à Rimbaud le voyant, titre du livre de Roland de Renéville, c'est plutôt une question d'essentielle fidélité, de d'Aumale à Rimbaud. Et cette fidélité est d'autant plus essentielle qu'elle est inapparente. On ne s'attend pas, a priori, à voir marié d'Aumale et le voyant. C'est vers cette fidélité essentielle, intime, difficile à entendre, que je souhaiterais me diriger lentement avec vous ce soir. Cette fidélité est d'autant plus étrange que Rimbaud, cette monstrueuse précocité qui, à 15 ans, était déjà le signe d'une promesse d'intégralité et de la fulgurance de l'esprit, de la grâce du cœur et de l'énergie vitale, est elle-même difficile à recevoir. Je veux dire qu'on en reçoit ou non le choc, c'est tout. Rimbaud n'a pas indiqué lui-même le terrain de la fulgurance qu'il a traversé. Et en me promenant parmi le cimetière du 150e de la naissance du poète maudit, ici dans les rues de Charleville, comme dans celle de Reims, pour la commémoration des enfants prodiges de la ville, je me disais qu'en fait, il y a deux grandes manières d'étouffer la fulgurance. Ou on la tait, et j'allais dire on la tait à mort, ce qui caractérise la longue occultation du grand jeu. Ou on fait un bruit assourdissant autour d'elle, et c'est le lot d'Arthur Rimbaud, le plus connu de nos poètes, c'est-à-dire le plus profondément méconnu de nos poètes. Pour m'approcher de cette fidélité essentielle, je rappellerai d'abord que Rimbaud fut le grand ascendant poétique de l'avenir de la poésie française, et sans doute pas seulement française. Ascendant comme provenance, et donc comme avenir. Ascendant poétique qui a engendré, provoqué, à travers les plus grands poètes français du XXe siècle, une forme très haute de fidélité. Fidélité à l'éclair, chez René Char, par exemple, l'éclair qui, en se retirant, illumine tout un ciel. Et on a là la forme propre de la brièveté d'aphorisme qui caractérise le centre de la parole de René Char. Par exemple, le présent est un jeu ou un massacre d'archers. fidélité à la saveur chez Saint John Perse, fidélité à l'énergie disloquante de l'image qui en libère la saveur. La saveur, c'est-à-dire non pas le goût, mais la couleur et le son, comme dans les pays du Sud, dans les printemps d'Espagne, la grenade mûre, éclate et essaie un bourdonnement de rouge. Des poèmes comme Nocturne vulgaire ou Barbare dans le recueil des Illuminations, le pavillon en viande saignante sur la soie des mers et des fleurs arctiques, elle n'existe pas. Libère des images qui sont à l'origine directe du surréalisme, des images dans lesquelles la déflagration de l'imaginaire se trouve déjà entièrement contenue. Cependant, avec le surréalisme, on ne peut pas tout à fait parler de fidélité, mais plutôt de redevance, car on sait qu'André Breton et le surréalisme n'auront pas été complètement fidèles à la voyance rimbaldienne. Et René Daumal, à 22 ans, écrivant à André Breton cette phrase prophétique, traduit mieux que je ne pourrais le faire cette redevance non fidèle du surréalisme à Rimbaud. Daumal écrit « Méfiez-vous, André Breton, de figurer plus tard dans les manuels d'histoire littéraire, alors que si nous briguions quelque honneur, ce serait celui d'être inscrit dans l'histoire des cataclysmes. » Non fidélité au cataclysme, non fidélité à la brûlure de soi, non fidélité au risque de l'homme et de la parole investis tout entier dans leur dissolution pour... Fidélité à la ferveur chez Claudel, le poète de Tête d'Or, le poète qui déclara lui-même avoir reçu sa conversion, son entrée en Dieu, derrière un pilier, à la suite de la lecture des Illuminations, est un grand poète, plein de ferveur. En ce sens, il y a une fidélité claudelienne à la grâce de Rimbaud, mais contrairement à la ferveur chrétienne de Claudel, la grâce rimbaldienne n'appartient à aucune tradition religieuse, à aucune filière spirituelle. Elle se libère de tout passé parce qu'elle porte un tout autre avenir. Fidélité au nerf chez Antonin Artaud, ou plutôt à l'innervation, innervation magnétique, mise en branle, en transe, de l'anatomie subtile du corps énergétique, vital, faim, soif, cri, danse, danse, danse, danse. Est-ce Rimbaud? Est-ce Artaud? Artaud a de Rimbaud repris et creusé la voyance chamanique, la voyance à partir de l'œil du ventre. Et en prononçant ce terme « voyance », la plus essentielle fidélité qui a été, la plus essentielle fidélité est celle du grand jeu. À travers sa grande trinité, Roger Gilbert Lecomte, René Daumal, André Roland de Renéville. Fidélité à la voyance. Là, nous touchons à ce qui est proprement l'héritage intime, fulgurant du cataclysme rimbaldien. Cependant, ces trois hommes, Renéville, Lecomte, Daumal, n'ont pas une fidélité à la voyance qui est du même ordre. André Roland de Renéville n'est sans doute pas allé aussi loin que Roger Gilbert Lecomte et René Daumal, n'ayant pas brûlé en tant qu'homme et en tant que poète jusqu'où ses deux frères ont brûlé. Il est demeuré, pourrait-on dire, ce théoricien génial de la poésie française, tel que, sans doute, nous n'en avions pas eu depuis longtemps et peut-être même jamais avant lui. Ce que nous devons à Renéville, c'est d'avoir entendu qu'il fallait sortir Rimbaud, ou la voyance de Rimbaud, du mythe chrétien. Et c'était là une opération fort difficile parce que Claudel, d'une part, mais avant lui déjà Verlaine, avait commencé d'inscrire très puissamment Rimbaud dans leur propre visée. André Roland de Renéville entendait avancer sur une crête difficile, dire ou redire l'aspect incontestablement messianique d'Arthur Rimbaud, mais un caractère messianique retiré de la dimension chrétienne, en laquelle Rimbaud, vous le savez, a beaucoup tout simplement souffert. Et à la différence de la souffrance baudelairienne, Baudelaire étant peut-être le dernier poète en France qui incarne, sans en sortir, la crise du christianisme, le cri de Rimbaud tente une percée ailleurs, ce que Renéville sera le premier à entendre. Renéville entend qu'il y a une nostalgie essentielle qui habite Rimbaud, la nostalgie de l'Orient. Non pas, bien entendu, une nostalgie de voyageur paradisiaque, mais une nostalgie de sortie de la prison humaine. Rimbaud, tout jeune, comme ensuite Roger Gilbert Lecomte et René Daumale, sera déjà fatigué d'être humain, d'être inscrit dans cet horizon de souffrance qui n'en finit pas, avec, au bout, la finitude de la mort. On pourrait dire que s'équilibre, pour la première fois dans le regard porté sur ce phénomène, la puissance d'un Claudel qui tente de rapatrier Rimbaud dans le mythe chrétien et celle de Renéville qui tâche de le rendre, en le lisant, à son état primitif de fils du soleil, ce soleil se situant en Orient. Pour Renéville, la voyance de Rimbaud est celle d'un ascète qui cherche, par tous les moyens, à perdre cette croyance qui nous colle tous à la peau, à savoir que nous serions un moi éternel, individuel, ayant un libre arbitre, décidant à volonté de notre propre vie. Cependant, à lire en toute profondeur l'œuvre de Rimbaud, on s'aperçoit que ce n'est ni ceci, ni cela. Il y a cette aspiration essentielle à l'Orient, cette lutte aussi, terrible, avec la dimension chrétienne, mais il y a surtout la recherche d'un autre chose, d'un inconnu, qu'il mettra toutes ses forces à essayer de nommer, à même une langue qui doit subir une révolution radicale, car, comme il l'écrit dans la lettre du voyant, les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Et ce n'est pas rien que d'entendre ce que signifie exactement cette phrase. C'est entendre que pour lui, tout est vieux, absolument tout. La littérature est vieille. La croyance que l'écrivain, le poète, serait l'auteur de ce qu'il écrit est fini. La croyance de tout un chacun que sa réalité d'homme s'arrête est constituée absolument, comme dirait Roger Gilbert Lecomte, des limites de sa peau, est ruinée. Je est un autre. Mais surtout, ce qui est fini, et c'est le terrible secret de la voyance rimbaldienne qui, encore aujourd'hui, est certainement loin devant nous. Autrement dit, cette voyance n'appartient pas au passé, mais elle vient sur nous. Ce terrible secret, il est dit en un seul vers, dans un de ses tout premiers poèmes. Il a 15 ans et demi, il écrit dans « Soleil et chair ». Car l'homme a fini. L'homme a joué tous les rôles. Le pressentiment, la prémonition, la prescience, l'appel que Rimbaud incarne, c'est déjà la fin de l'espèce humaine. Lorsqu'on parcourt intensément cette œuvre, on s'aperçoit que de nombreux signes de cette vibration reviennent, dès le bateau ivre, énigmatiquement. Millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. Dans d'autres poèmes, dans Being Beauteous, qui commence devant une neige, un être de beauté de haute taille, et se termine, nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. Dans « Adieu », posséder la vérité dans une âme et un corps. Car l'homme a fini et Rimbaud voit venir un autre être. Autrement dit, la forme humaine n'est pas le dernier mot de l'incarnation de l'esprit. et ce que projette Rimbaud, c'est peut-être tout simplement, après l'être pensant, l'homme. Car nous sommes sans cesse en train de penser. Nous ne vivons pas, nous pensons que nous vivons à tout moment. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas présents, âme et corps. La vraie vie est absente. Ce que voit venir Rimbaud, c'est un autre être qui serait peut-être, après l'être pensant, réellement l'être poétique, un être de beauté de haute taille. Et cet être serait caractérisé par ce qu'il tente de nommer aussi dans le dernier poème des Illuminations, à savoir « génie », qui ne porte pas ce titre pour rien non plus, car il s'agit bien de l'avenir ou de l'advenu d'un nouveau génie de l'amour. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue. Si l'amour est à réinventer, c'est qu'il est en quête d'une dimension plus vaste de lui-même, que ni la dimension christique, ni la dimension des traditions multiples de l'Inde ne suffit à incarner corps et âme. Des êtres comme le Christ ont incarné la liberté, l'immortalité de l'âme dans le ciel et sont venus sur terre, porteurs de cette lumière céleste, mais ce que Rimbaud pressent, c'est la réconciliation de la matière et de l'esprit dont parlera Roger Gilbert Lecomte. La sensation que peut-être la matière est l'esprit de l'esprit, et que nous ne comprendrons rien, ni à la matière, ni à l'esprit, ni au corps, ni à l'âme, tant qu'il n'y aura pas un corps et âme, incarné là, sans cesse. Dans Génie aussi, il prononce la terrible célérité de la perfection des formes et de l'action. Ce qui donne à entendre quelque chose d'un tout autre ordre que les gestes saccadés, hachés, maladroits dont est pourtant capable cette merveilleuse machine qu'est le corps humain, mais qui est encore loin d'une vie plastique du corps. Et aussi d'un seul trait, entendre que la langue que nous parlons à travers des grammaires est encore trop articulée, trop cassante. Cette langue qui serait de l'âme pour l'âme, qu'il évoque et invoque dans la lettre du voyant, ne serait-ce pas une première manière de s'approcher d'une modulation? Je ne dis même plus qu'il s'agirait d'un langage, mais d'une modulation. Une modulation. Il est évidemment impossible de parler de cette vision puisqu'elle n'est pas encore. C'est pourtant ce que Rimbaud a tenté. Ce qu'a soutenu ce tout jeune homme est surhumain, est déjà surhumain. Et je ne sais pas si, dans le bruit assourdissant qu'on fait autour de lui aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes encore capables ou si nous avons jamais été capables de ressentir ce que la grâce a déjà tenté de nous dire à travers ce génie humain. De ce point de vue, on pourrait dire que Roger Gilbert Lecomte est l'enfant voyant de Rimbaud et le seul. Si, comme signe de notre rencontre, j'avais dit Roger Gilbert Lecomte le voyant, il n'y aurait pas eu de surprise. En nous, ça dit bien sûr parce que Roger Gilbert Lecomte incarne particulièrement l'horrible travailleur dont parle Rimbaud, qui commence par les horizons où l'autre s'est affaissé, à tel point qu'on trouve dans l'œuvre de Lecomte des expressions littérales, des citations invisibles de Rimbaud lui-même. Si je parlais le langage des gitans, je dirais que leurs sangs ont été mêlés, qu'il y a chez Lecomte les stigmates de la fulgurance du verbe rimbaldien. Parce que Roger Gilbert Lecomte est prophétique, parce qu'il est engagé dans une vision du devenir de l'esprit, parce qu'il annonce aussi, dans des textes aussi fondamentaux, violents, étranges, que l'horrible révélation, la seule, ou la lézarde, ce qu'il nomme le troisième homme, parce qu'il sent, lui aussi, que nous sommes entrés dans le temps du grand insecte, de l'asphyxie de l'humain et du vivant sur terre. La filiation, la fidélité essentielle est évidente. Mais Domal, Domal le voyant, c'est difficile à toucher, parce que Domal n'est pas fulgurant, ni comme Rimbaud, ni comme le comte, parce que Domal n'est pas hurlant, comme peut l'être Artaud, parce que Domal est d'une âpre sobriété, que sa parole dégrisée ne consonne pas avec l'idée commune d'une vision délirante ou géniale. Où donc porte-t-il une fidélité de voyance? Elle transparaît le mieux dans ces deux derniers textes, deux textes, par conséquent, qui n'ont pas été écrits pendant la période du Grand Jeu, mais 10 ans après. Il s'agit de La Guerre sainte et de Poésie noire, Poésie blanche. Ces deux textes ne font pas beaucoup de bruit. Ils portent pourtant dans le monde des lettres une vraie révolution et un grand courage. Domal est, en Occident, peut-être le premier poète à indiquer une voie qui pourrait concrètement mener au dépassement de la souffrance et à la traversée de la mort. Il tente de l'indiquer sur deux fronts qui jusque-là étaient restés radicalement séparés, à savoir la vie d'artiste, de créateur, de poète et la vie d'homme. Cette séparation entre l'art et la vie, voilà ce qui déchire la conscience de René Domal. Poésie noire, poésie blanche est une première méditation concrète sur ce qu'est le métier de poète, car il s'agit là d'un métier. Métier, au sens où la poésie est aussi rigoureuse que la rigueur, par exemple, de la science ou de la philosophie. La poésie n'est pas un rêve qui permettrait de s'échapper de l'affaire d'être homme. Interroger, méditer le métier de poète dans Poésie noire, poésie blanche et dans La Guerre sainte, indiquer parallèlement, conjointement, la question du métier d'homme. Ces deux textes sont écrits en 1940 et 1941, c'est-à-dire en pleine guerre. C'est pourquoi, aussi, le texte de La Guerre sainte est à la fois si peu audible et si foudroyant, couvert par le bruit d'une guerre qui, comme toutes les guerres extérieures, n'est que la mise en scène, l'image projetée de la guerre intérieure qui déchire l'humanité de tout être humain et dont René Domal commence à indiquer précisément les données. Je vais faire un poème sur la guerre. Ce ne sera peut-être pas un vrai poème, mais ce sera une vraie guerre. La guerre dont il veut parler, c'est ce qu'il nomme la guerre sainte, la guerre de l'homme qui se retourne sur lui-même et voit qu'au lieu d'être un « je pense », donc « je fais », donc « je », voit qu'il est le champ permanent d'un combat de force. Ces forces qui se combattent sont au départ tout à fait inégales. Au centre, la chambre du vainqueur, la chambre royale, où règne le silence foudroyant. Autour, toutes les voix qui empêchent l'entrée dans cette chambre, voix de l'orgueil, du mensonge et de la paresse, orgueil de se croire auteur de ses actes et de sa vie, mensonge de ne jamais vouloir se montrer dans sa nudité, sa misère, sa laideur, son malaise, sa souffrance de pâte humaine, paresse enfin qui va de pair avec notre permanente arrogance, cette paresse consistant, pour le poète, à utiliser des phrases toutes faites, des belles images, qui fascinent, qui séduisent. Domal en démonte tous les ressorts, indiquant pas à pas une autre voie de l'écriture, pour ainsi dire, une prêtrise du mot. Si Domal est voyant, c'est de montrer la manière de commencer la vraie guerre, c'est-à-dire la vraie paix. La lettre du voyant, de Rimbaud, contenait déjà beaucoup d'axiomes de cette désidentification à la pensée d'un jeu qui serait autonome, autoconsistant, invariable. Mais elle va, pour ainsi dire, trop vite. Elle est d'une densité trop rapide pour que nous puissions entrer concrètement, expérimentalement, dans l'apprentissage de cette décantation intérieure qui conduit à ce silence, d'où naît la vision. Car tant que nous sommes plongés dans le bruit de nous-mêmes, dans la mécanique de la pensée désirante, on ne peut pas voir, car voir n'est pas penser. Voir, c'est pourfendre la pensée. Et cela ne se peut que quand on est prêt à une solitude radicale qui, de l'intérieur, voit que ce que nous prenons pour la réalité est une magie noire, une illusion fascinante où se perpétue notre complaisance pour ce que nous appelons nous-mêmes. Ce n'était pas une affaire littéraire, le grand jeu. Rimbaud non plus. On est si vite repris par la mécanique des mots. On a beaucoup de mal à toucher ce qu'est la poésie parce qu'on ne voit pas que notre psyché n'est qu'un défilé de mots et d'images, et que tout ce qui a lieu dans le monde a lieu par les mots et images. Une déclaration de guerre, c'est le pouvoir d'un mot qui a été plus fort qu'un autre. C'est pourquoi le poétique a une si profonde importance, parce que le mot est proprement magique, du côté noir ou du côté blanc. Il induit la mort ou la possibilité de la lumière. Il induit la souffrance à perpétuité ou la possibilité de s'en délivrer, et cela à chaque instant. Et le métier de poète pour Daumal était douloureux, car à chaque instant, il s'agissait de s'extraire des phrases cadavres qui trament notre pensée et font que nous répétons, comme des perroquets, un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe de mots et d'images qui sont, perpétuellement, la souffrance. Je suis venu ce soir pour m'adresser à vous, et je ne sais pas si je m'adresse à vous. Je ne sais pas. Est-ce que cela s'adresse à vous? Question. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatalisme à dire « on ne pense pas, on est pensé » ? Ça nie tout, ça nie à la fois l'incarnation du verbe, donc toute religion, ça nie aussi la psychanalyse qui passe par le verbe. Ce n'est pas un fatalisme de dire « on est pensé ». C'est une vision, c'est la vision d'un fait. C'est la vision qui voit que nous sommes des machines pensantes et qu'il n'y a pas de penseur. Nous ne pouvons pas décider de penser ce que nous voulons penser ou de ne pas penser ce que nous ne voulons pas penser. Chacun peut en faire l'expérience. Rentrez chez vous ce soir, allongez-vous sur votre lit et décidez donc de penser telle chose. Votre soi-disant pensée sera sans cesse court-circuitée par d'autres pensées. Donc, où êtes-vous? Vous qui croyez penser. De la même manière, quand vous êtes obsédé par la jalousie, la séparation ou le deuil, je parle de pensées profondément obsédantes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour en sortir. C'est là. Et il y a un véritable vertige, oui, une commotion vertigineuse à réaliser que la pensée nous pense. C'est dans cette commotion que peut se produire le choc, le déchirement de l'œil qui voit. Cet œil est en amont de la machine pensante et désirante. Dire une machine pensante ou une machine désirante, c'est prononcer la même chose, puisque la pensée et le désir, c'est le même mécanisme de division. Le désir est une mécanique du manque qui désire toujours autre chose que ce qui est là. Et la souffrance, c'est cette friction entre ce qui est là et l'impossibilité de le vivre en tant que tel, puisque l'on manque sans arrêt d'autre chose. Entrer dans ce troisième œil dont parle Roger Gilbert Lecomte, c'est revenir à une instance unitive qui voit, non pas ce que la pensée pense qu'elle voit, mais voit ce qui est ou ce qui advient, s'il s'agit d'une vision dynamique de l'avenir venant sur nous. Cet œil ne se déclôt que par un processus alchimique, celui que montre René Daumal, un processus douloureux puisqu'il brûle notre identification à la pensée de jeu. Voir que ce sujet est une illusion, c'est vivre la torture d'une métamorphose comparable à la mue d'un serpent. Il s'agit, littéralement, de s'arracher d'une peau morte. L'impossibilité de continuer à vivre dans un état de souffrance, de plus en plus dense, de plus en plus constant, de plus en plus aigu, fait qu'il y a tout à coup décollement, cri, appel à sortir de cette machine à désir qui fait de nous sans cesse des errants et des souffrants. D'où la difficulté de nous sensibiliser à notre propre insensibilité. Car il y a deux modes de souffrance, celui de la plupart des gens qui sont dans une souffrance énorme mais endormis, anesthésiés. Et la souffrance, au fond, c'est d'être insensible, un bloc de glace, un mur, c'est de n'être touché par rien, isolé dans une peur de tout, c'est-à-dire de l'inconnu qui arrive, de la vie qui vit. Et l'autre mode, actif, lucide, réveillé, chirurgical. Alors la souffrance n'est plus seulement subie, elle est soufferte. Elle devient le feu qui la brûle, la déracine. Lorsqu'on est désidentifié de cette croyance en la mémoire traumatique de soi-même, alors vient le souffle, la respiration du libre, alors peut venir l'élan, cette énergie de vie qui soulève des montagnes. C'est parce que nous nous laissons dissoudre et détruire que peut entrer en nous une puissance d'un tout autre ordre, un feu d'une toute autre flamme. Nous nous déplions, nous nous dévissons, nous nous décrispons de cette volonté acharnée d'être un sujet séparé et autoconsistant. Il n'y a donc pas de fatalité, il y a l'enjeu, à travers la voyance poétique, de pouvoir enfin voir sur quel rouage exact repose le conditionnement de la souffrance humaine et donc la possibilité de s'en délivrer. Découvrir que nous avons une psyché qui n'est qu'un cinéma intérieur de mots et d'images, de mots qui s'imagent et d'images qui parlent, et que ces mots-images sont une texture de traumatisme, de mémoire et d'attente angoissée. Dévoiler ce fonctionnement cinématographique de la conscience humaine, c'est la voyance. La psychanalyse, tout est alchimique, n'est-ce pas? Tout sert à tout, c'est ce que nous ne parvenons jamais à voir. Nous sommes en lutte avec nous-mêmes de ne pas parvenir à voir l'intelligence globale de tout, de ce qu'on nomme le bien et le mal, le haut et le bas, le noir et le blanc. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, un nom, n'est-ce pas, c'est un business, et nous ne possédons rien. Tout va de Dieu à Dieu, de l'amour à l'amour, de l'intelligence à l'intelligence, ou de l'inconnaissable à l'inconnaissable. Et le noir, ce qu'on appelle le noir dans l'œuvre noire, dans l'alchimie, c'est cette pierre de touche qu'on utilisait pour vérifier l'authenticité, la pureté de l'or. Tout ce que nous vivons, individuellement ou collectivement, puisque nous sommes dans un moment alchimique planétaire très noir, quelle détresse sur cette planète, permet d'éprouver le degré de puissance de la lumière, sa véracité, car la lumière n'est pas sentimentale, elle est d'autant plus pure qu'elle est implacable. Et la psychanalyse, en déliant les arcanes subconscients et subliminaux de la psyché, correspond certainement à un moment important, préfiguré d'ailleurs par Gérard de Nerval dans un texte que Daumale adorait. Aurélia, l'épanchement du rêve dans la vie réelle. Ce qui a sans doute manqué à l'Orient, c'est la parole. Non pas au sens de parole sacrée, plus présente dans ces différentes cultures que chez tous les autres peuples du monde, mais la parole psychologique. La prise en compte à grande échelle, non restreinte à des initiés, de l'être psychique en l'homme. Là, l'Occident apporte une possibilité de retournement sur le mécanisme du pathos humain, qui est important. Mais à mon sens, la psychanalyse ou une certaine psychanalyse, comme d'une certaine manière en poésie le surréalisme, reste trop prisonnière du subconscient. La grande arrogance ici, c'est de dire « on va expliquer le haut par le bas ». L'exploration de l'inconscient, entre guillemets parce qu'il y a plusieurs façons de définir ou de concevoir l'inconscient, est très précieuse, mais elle ne soutient pas la lumière d'en haut. C'est même alchimiquement certainement le contraire. C'est à la mesure de la lumière que la pénétration dans le puits d'ombre peut se faire. En tout cas, la métaphysique expérimentale au sens du grand jeu, dont Roger Gilbert Lecomte disait « la métaphysique expérimentale, c'est la voyance », essaie d'entrer dans une alchimie qui fait sa part à l'invention de la psychanalyse, mais tente surtout de rapatrier l'être humain à sa source unitive. Le cas de Lecomte est d'ailleurs extrêmement ambigu parce qu'il est à la fois ce voyant prophète, ce génial technicien de l'éclair qui veut, de toutes ses forces, pour fendre l'illusion du moi, et en même temps, dans sa vie, au niveau du ventre, on va dire, il restera toujours prisonnier. Et à quel point ? jusqu'à la mort, de la drogue. Les forces de mort que nous portons tous ont eu raison de Lecomte. D'Aumale dirait « il n'a pas fait son boulot d'homme ». Il n'est pas entré dans la transformation, si peu spectaculaire et si ingrate, de sa patte humaine. C'est pour cela aussi que D'Aumale a renié le grand jeu, l'a vu pour lui-même comme une perte de lui-même. S'il y a une chose qu'on a beaucoup de mal à admettre dans le monde littéraire moderne, c'est que René D'Aumale ait choisi de se confier à l'enseignement de Gurdjieff, choisi d'abdiquer les pouvoirs de l'artiste pour délivrer l'homme. C'est en fait une puissante question. Où sont allés nos grands voyants? Rimbaud finit infirme. Artaud meurt d'un cancer à l'anus dans des crises effroyables. Lecomte termine pourri de drogue. Pourtant, je ne veux pas du tout dire qu'on peut faire l'économie de l'œuvre au noir qui fut, poétiquement, la leur. Ces génies sacrifiés ont extrait de la mine humaine des ressources vierges, inouïes. Mais D'Aumale nous fait signe ailleurs. Il est celui qui voit que Lecomte, par exemple, ne fut pas entièrement fidèle à la lettre du voyant. La destruction de son corps physique pour se faire voyant n'était sans doute pas nécessaire. Elle marque plutôt une fuite, à travers la drogue, d'une alchimie intérieure à laquelle Lecomte n'a jamais consenti. D'Aumale, et c'est son courage, a tenté, dans sa vie même, de la fin du grand jeu à sa fin personnelle, une conversion non seulement du poète noir au poète blanc, mais surtout, je dirais, de la mort pour la mort à la mort de la mort. Il y a en D'Aumale les premiers pas de quelqu'un qui veut profondément trouver la santé, la sortie de la malédiction, poétique, spirituelle et vitale. D'Aumale, sur ce plan précis, est demeuré presque inaudible. Là, toute la pensée est menacée et l'œuvre noire s'ouvre secrètement à un autre héroïsme. Car le noir en nous exige de la lumière qu'elle lui baise le sang, littéralement. Aujourd'hui, dans la ruine de tous les fondements, elle ne peut plus travailler d'en haut, détachée. Je fais comme un enfant, je donne des images. La lumière ne peut dire au noir, d'en haut, « Viens là, mon petit, illumine-toi ». Le noir est terrible à son endroit. Il est terrible parce qu'il est martyrisé et qu'il ne croit pas fondamentalement à la possibilité de vivre. Le noir, c'est le monde même de la damnation éternelle, comme dans l'enfer de Dante. C'est le mal. Alchimiser l'enfer, aujourd'hui, suppose que la lumière, concrètement, très concrètement, descende, plonge. Encore faut-il pour cela qu'une telle lumière soit suffisamment puissante. Nous en sommes là. Un moment radical de l'histoire de la Terre. Tout a été dit, dit-on. Pourtant, les grandes traditions lumineuses n'ont pas réussi à guérir la Terre de sa tragédie. Individuellement, depuis toujours, des hommes ont accédé au ciel, mais la Terre, plus que jamais, est plongée collectivement dans une tragédie infernale. D'où la question levée, criée par nos génies poétiques. Qu'est-ce donc que ce salut hyperlumineux si la Terre continue à crever? Et comment faire de l'axe d'une âme individuelle et de l'axe du monde un seul et même axe? Le Messie en Rimbaud aspire non seulement au salut de l'âme, mais exige que ce salut soit une coïncidence parfaite avec le salut de l'humanité. En cela, on va dire, il rêve. Bien sûr, mais ce rêve est divin, ce rêve est une vision. Or, nous n'avons pas d'autre moyen en tant qu'humains, puisque nous sommes tramés par des mots et des images, que de nous élever à une vision suffisamment puissante, diamantine, transparente pour faire advenir à nous un autre avenir. Et cet avenir ne nie pas du tout l'aspect noir des choses, au contraire, il y plonge. La transformation du poison ne se fait que de l'intérieur du poison. Mais l'art à venir, certainement, sera un art où il s'agit d'accoucher de la joie, de mettre au monde une autre vibration. Quels seront donc les poètes, les créateurs, les artistes du futur? Quels hommes seront-ils? Car il faudra des êtres qui, dans leur vie, auront suffisamment percé dans une lumière hors de souffrance pour que cette lumière les conduise à transformer le noir qui a eu finalement raison d'Arthur Rimbaud, d'Antonin Artaud et de Roger Gilbert Lecomte. Cela était au point de crise réelle de leur non, pas de leur temps. Ils sont devant leur temps. Ils étaient au point de crise réelle où il fallait être. Ce point d'incandescence à l'intérieur de l'asphyxie. Ce sont des êtres semences, les premiers élans d'un avenir tenu en échec. Rimbaud, par exemple, n'a pas pu supporter le feu du nouvel amour qui lui descendait dessus. Le pot, son argile charnelle, comme il dit dans Soleil et Chair, a éclaté. La grâce, l'autre vibration de la grâce, la future vigueur, était allée chimiquement insoutenable. Question. Vous pensez qu'il y a eu une hyperconscience de cela et que c'est pour ça qu'il a arrêté d'écrire? Ce n'est pas un pour ça. Il n'a pas choisi, ni de recevoir ça, ni de l'arrêter. Il le reçoit parce que, ça c'est le mystère, comme si la grâce, à travers cette adolescente de 15 ans, nous disait à tous « Regardez donc ce que je suis capable de faire, vous qui voulez me penser, me logiciser, me contenir, m'expliquer. Regardez, je produis ça, cette monstruosité. » Rimbaud ne choisit pas, il est le lieu magnétisé, enflammé d'une voyance qui le fracasse, le pulvérise. Il n'est humainement pas prêt à endurer ce feu. Cependant, il en est l'annonciateur par fulgurance. Et les inventions d'inconnus réclamant des formes nouvelles, d'autres voyants viendront, que leur temps ne verra sans doute pas, qui porteront ce feu à d'autres harmoniques, en d'autres gestes. Aujourd'hui, par exemple, un cinéaste solitaire, Aurélien Réal, à travers son premier long métrage « Un jour est égal à tous les jours », concrétise, selon moi, le vœu de Roger Gilbert Lecomte, l'acte de naissance de cette invention aussi importante que l'écriture, le cinéma, forme de l'esprit, exactement le langage plastique. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est des mots et des images en mouvement, et non plus des mots fixes, des images fixes. Un médium, donc, qui peut montrer plus qu'aucun autre comment fonctionne la psyché humaine. Dans la chambre noire de notre cerveau, il y a un cinéma intérieur qui tourne sans arrêt, en vous, en moi, en ce moment, en superposition de mes propres paroles. J'en suis conscient, je le sens, ça parle encore d'autre chose ailleurs, en couches superposées. Cette grammaire juxtaposée de mots et d'images qui nous hante, seul un œil peut la voir. De la même manière qu'il faut un œil la nuit pour voir nos rêves. Nos rêves, ce sont des images. Pour voir des images, il faut un œil. Et cet œil, chez la plupart des êtres humains, est voilé. La voyance, c'est la levée du voile posé sur l'œil de feu. Les yeux de chair ne sont pas des yeux qui voient, mais des yeux qui pensent qu'ils voient. Ils sont du domaine de la pensée sur la chose. L'œil de feu, jamais on ne le saisira. Personne ne pourra jamais vous prouver que cet œil existe. On est intronisé dans cet œil, ou non. En d'autres termes, si on voulait par exemple parler de la sainteté, eh bien, on perdrait son temps. Parce que la sainteté, c'est... on y est ou on n'y est pas. À quoi bon parler pendant des livres et des livres de saint François d'Assise? C'est vain, c'est tout à fait vain. En termes réels, c'est du discours sur du discours pour faire du discours. Se prouver qu'on existe et perpétuer ce jeu individuel, culturel, spirituel, qui a si peur de mourir, et tant besoin de se faire croire que, toc toc, il y a quelque chose. Mais si le soir, en se couchant, on pouvait d'un coup ôter toutes les pensées, on découvrirait que notre demeure, c'est du vide. Un jour est égal à tous les jours, d'Aurélien Réal, ce film, c'est l'acte s'accomplissant, le pas gagné, au sens dynamique que lui donne Rimbaud, de la révélation-révolution du grand jeu. Ce n'est pas un tombeau, une trace. C'est là, c'est vivant, maintenant. pour la joie d'être voyant. Et voici quelques textes de René Daumal. Il suffit d'un mot. Nomme, si tu peux, ton ombre, ta peur, et mesure-lui le tour de sa tête, le tour de ton monde, et, si tu peux, prononce-le, le mot des catastrophes. Si tu oses rompre ce silence tissé de rires muets, si tu oses, sans complice, casser la boule, déchirer la trame, tout seul. Tout seul, et plante là tes yeux, et viens aveugle vers la nuit, viens vers ta mort qui ne te voit pas. Seul si tu oses rompre la nuit, pavé de prunelles mortes, sans complice si tu oses, seul venir nu vers la mer des morts, dans le cœur de son cœur ta prunelle repose, écoute-la t'appeler. Mon enfant, écoute-la t'appeler par ton nom. Une autre poésie de René Daumal, La désillusion. Blanc et noir, et blanc et noir. Attention, je vais vous apprendre à mourir. Fermez les yeux, serrez les dents. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Il n'y a là rien d'étonnant. Je vous parle sans passion. Noir et blanc, et noir et blanc. Clac ! Vous voyez qu'on s'y fait vite. Je vous parle sans amour. Et pourtant, vous savez bien. Il faut être évident jusqu'à l'absurde. Blanc et noir, et blanc et noir, et noir et blanc. Si nos âmes échangeaient leur corps, il n'y aurait rien de changé. Alors ne parlez plus de corps, ni d'âme. Blanc, noir, clac ! C'est la seule chose qu'ensemble nous pouvons comprendre. Mais n'est-ce pas qu'il n'y a là rien de tragique ? Je vous parle sans passion. Blanc, noir, blanc, noir, clac. Et c'est mon éternel cri de mourant, ce cri blanc, ce trou noir. Oh, vous n'entendez pas, vous n'existez pas. Je suis seul à mourir. Allez, un autre. Daumal, je parle dans tous les âges. Attention, la perle au fond des siècles futurs, aux roues de cuivre hurlantes, qui sont les anciens, la perle, est dans son écaille vivante sur la table, où l'ancêtre rompt le granit chaque matin, qui dure des siècles, pour la nourriture des fils à venir, aux places marquées, vêtues d'astres, et celles des fils morts, habillés de pierre. Attention. La perle est dans le creux de la seule main, au croisement des rayons, sous le ciel solide, qui ne pèse pas lourd dans ta gorge, vieux buveur. À ma voix familière, tu me reconnais, et cette main, c'est la mienne. Tu n'y peux rien, tu ris, vieux toucheur de monde. Mais j'ai saisi la perle, et te voilà détrôné, tout en bas. Va-t'en régner sur les peuples nomades et les douces nations pastorales. J'ai l'œil aussi sur tes vieux bergers, et ils en savent long sur la nuit de ta bouche. Attention, le fil indéfini des siècles tient tout entier dans cette perle qui est ma face et ma fin. Et pour finir, les dernières paroles du poète. D'un fruit qu'on laisse pourrir à terre, il peut encore sortir un nouvel arbre. De cet arbre, des fruits nouveaux par centaines. Mais si le poème est un fruit, le poète n'est pas un arbre. Il vous demande de prendre ses paroles et de les manger sur le champ, car il ne peut à lui tout seul produire son fruit. Il faut être deux pour faire un poème. Celui qui parle est le père, celui qui écoute est la mère, le poème est leur enfant. Le poème qui n'est pas écouté est une semence perdue. Ou encore, celui qui parle est la mère, le poème est l'œuf, et celui qui écoute est fécondateur de l'œuf. Le poème qui n'est pas écouté devient un œuf pourri. C'est à cela que songeait, dans sa prison, un poète condamné à mort. C'était dans un petit pays qui venait d'être envahi par les armées d'un conquérant. On avait arrêté le poète parce que, dans une chanson qu'il chantait sur les routes, il avait comparé la tristesse qui rongeait jusqu'à l'os la chair de son corps aux fumées meurtrières qui avaient brûlé jusqu'au roc la terre de son village. Demain à l'aube il sera pendu. Mais on lui a fait cette grâce qu'avant de mourir il pourra dire devant le peuple un dernier poème. Il se disait dans son cachot: jusqu'ici, je n'ai fait que des chansons pour amuser. Ce sera mon premier et mon dernier poème. Je leur dirai: prenez ces paroles, qu'elles ne soient pas une graine perdue. Couvez mes paroles, faites-les croître, faites-les parler. Mais que leur dirai-je ensuite? Je n'ai qu'un mot à dire. Un mot simple comme la foudre, un mot qui me gonfle le cœur, un mot qui me monte à la gorge, un mot qui tourne dans ma tête comme un lion en cage. Ce n'est pas une parole de paix, ce n'est pas une parole facile à entendre, mais elle doit mener à la paix. Mais elle doit rendre toute chose facile à entendre, pourvu qu'on la prenne comme la terre reçoit la graine et la nourrit en la tuant. Quand je serai pourri dans quelques jours, que de ma pourriture sorte un arbre à paroles, non pas des paroles de paix, non pas des paroles faciles à entendre, mais des paroles de vérité. Mais encore, que leur dirai-je? Je n'ai qu'un mot à dire, un mot aussi réel que la corde qui me pendra, un mot qui me démange, un mot qui me dévore, un mot que le bourreau même pourra comprendre. J'ouvrirai la bouche, je dirai le mot, je fermerai la bouche, et ce sera tout. Dès que j'aurai ouvert la bouche, On verra rentrer sous terre les fantômes et les vampires, et tous les voleurs de paroles, les tricheurs au jeu de la vie, les spéculateurs de la mort, ceux qui font tourner les tables, ceux qui balancent des pendules, ceux qui cherchent dans les astres des raisons de ne rien faire, les rêvasseurs, les suicidés, les maniaques du mystère, les maniaques du plaisir, les voyageurs imaginaires, cartographes de la pensée, les maniaques des beaux-arts qui ne savent pourquoi ils chantent, dansent, peignent ou bâtissent, les maniaques de l'au-delà qui ne savent pas être ici-bas, les maniaques du passé, les maniaques du futur, escamoteurs d'éternité. On les verra rentrer sous terre dès que j'aurai la bouche ouverte. Dès que j'aurai prononcé le mot, les yeux des survivants se retourneront dans leurs orbites, et chacun de ces hommes et chacune de ces femmes regardera en face le fond de son sort. Abîme de lumière, obscurité souffrante, dès que j'aurai fermé la bouche, leurs yeux se retourneront vers le monde chargé de la lumière centrale, et ils verront que le dehors est à l'image du dedans. Ils seront rois, elles seront reines, ils se verront les uns les autres, chacun, tout seul, comme le soleil est seul, mais tous éclairés par le feu d'une solitude unique au-dedans comme au-dehors par le feu d'un soleil unique. Mais je rêve et je cède à l'espoir trop facile. Plutôt, sans doute, ils diront « Ce fou, il est temps qu'on le pende, cette bouche inutile. Il est temps qu'on la ferme. » Ou peut-être encore diront-ils « Ces paroles ne sont pas des paroles de paix, ce ne sont pas des paroles faciles à entendre, ce sont des paroles de démons, il n'est que tant qu'on le pende. » Et de toute façon, je serai pendu. Eh bien, je leur dirai « Vous n'avez pas beaucoup plus longtemps à vivre que moi. Je meurs aujourd'hui, vous la semaine prochaine. » Et notre misère est la même et notre grandeur est la même. Mais ils croiront que ce sont des paroles de haine. Ces malheureux sont tellement sûrs d'être immortels. Et de toute façon, je serai pendu. Que leur dirai-je? Je leur dirai bien « Réveillez-vous ». Mais je ne saurais pas leur dire comment faire et ils diraient « Mais nous ne dormons pas. Pendez, pendez cet imposteur et qu'on le voit cracher sa langue. » Et je serai, de toute façon, pendu. Et le poète, dans sa prison, se frappait la tête au mur. Le bruit de tambour étouffé, le tam-tam funèbre de sa tête contre le mur, fut son avant-dernière chanson. Toute la nuit, il essaya de s'arracher du cœur le mot imprononçable. Mais le mot grossissait dans sa poitrine et l'étouffait et lui montait dans la gorge et tournait toujours dans sa tête comme un lion en cage. Il se répétait « De toute façon, je serai pendu à l'aube. » Et il recommençait le tam-tam sourd de sa tête contre le mur. Puis il essayait encore. Il n'y aurait qu'un mot à dire, mais ce serait trop simple. Il dirait « Nous savons déjà. Pendez, pendez ce radeau terre. » Ou bien il dirait « Il veut nous arracher à la paix de nos cœurs. » À nos seuls refuges en ces temps de malheur, il veut mettre le doute déchirant dans nos têtes, alors que le fouet de l'envahisseur nous déchire déjà la peau. Ce ne sont pas des paroles de paix, ce ne sont pas des paroles faciles à entendre. Pendez, pendez ce malfaiteur. façon je serais pendu. Que leur dirais-je? Le soleil se levait avec des bruits de bottes. Il fut mené les dents serrées vers la potence. Devant lui ses frères, derrière lui ses bourreaux. Il se disait en lui-même: voici donc mon premier et mon dernier poème. Un mot à dire, simple, comme d'ouvrir les yeux. Mais ce mot me mange. Du ventre à la tête, je voudrais m'ouvrir, du ventre à la tête, et leur montrer le mot que je renferme. Mais s'il faut le faire passer par ma bouche, comment en franchira-t-il l'orifice étroit, ce mot qui me remplit? Alors il se tut une première fois, sa bouche garda le silence. Une deuxième fois il se tut, son cœur se ferma. Une troisième fois il se tut, tout son corps devint comme un roc silencieux. Il était comme un rocher blanc, comme la statue d'un bélier, devant un troupeau de moutons endormis, et derrière lui les loups ricanaient déjà. On entendit des bruits de baïonnettes et d'éperons. Le délai accordé prenait fin. Sur son cou, le poète sentit le chatouillement du chanvre et au creux de l'estomac, la patte griffue de la mort. Et alors, au dernier moment, la parole éclata par sa bouche vociférant. Aux armes, à vos fourches, à vos couteaux, à vos cailloux, à vos marteaux. Vous êtes mille, vous êtes forts. Délivrez-vous, délivrez-moi. Je veux vivre. Vivez avec moi. Tuez à coups de faux, tuez à coups de pierre. Faites que je vive et moi. Je vous ferai retrouver la parole. Mais ce fut son premier et son dernier poème. Le peuple était déjà bien trop terrorisé. Et pour avoir trop balancé pendant sa vie, le poète se balance encore après sa mort. Sous ses pieds, les petits mangeurs de pourriture guettent cette charogne qui mûrit à la branche. Au-dessus de sa tête tourne son dernier cri, qui n'a personne où se poser. Car c'est souvent le sort ou le tort des poètes de parler trop tard ou trop tôt.